sirène. Les violons, ça fait rêver. Les yeux dans les yeux, fais-les tourner. Et fais-toi désirer. Toi qui connais si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment, c'est qui le temps d'un temps douce dame, frémissante et parfumée. Toi tu sais où les trouver. Les divas du dancing, les divas du dancing, les cinglés du mambo, celles qu'on ne verra jamais dans les discos, les fanas du saxo, les félis du basso, celles qui pensent encore au temps du Mikado. L'ombre d'un palmier, toi qui fais brûler la chair des femmes, sans jamais donner ton âme à celle qui sous ton regard se pâme, frémissante et parfumée. Toi tu sais où les trouver, les divas du dancing. Va du dancing, corps serré, cœur glacé. Elle garde de toi un peu de gomina sur le bout de leurs doigts quand elles ont caressé cette nuque bleue qu'elles avaient embrassée. Les divas du dancing, les divas du dancing, sans jamais donner ton âme, sans jamais.